Il était payé. Seulement quand il guérisse. Il lâcherait toute la job. Faudrait qu'il fasse vivre la famille. Serait-ce plus efficace, oui ou non? Si on payerait les gens quand ils sont en santé, les patients, hein? Plutôt que de leur dire simplement, faites ce que vous voulez, puis quand vous allez être malade, ben venez nous voir, on va vous aider. Parce qu'on peut mettre le dos sur les médecins. La médecine ne connaît pas grand-chose, mais les patients, ils sont pour énormément quelque chose. Imaginez-vous, les patients, ils s'organisent toujours pour inventer une maladie neuve. Un problème nouveau. Quand on rentre à l'hôpital, on demande, le médecin demande où c'est vous avez mal, puis on répond toujours à l'estomac. Ça, c'est le cœur. Quand on veut vomir, on dit j'ai mal au cœur. Ça, c'est l'estomac. Bon, faut quand même pas trop demander au médecin. Quand c'est pas, j'ai mal partout. En Chine, à l'époque, c'est ce qu'on faisait. Le médecin était payé tant qu'on était en santé. Puis quand on tombait malade, il payait les médicaments, puis on le payait plus nous autres. Tout était à ses frais. Fait que nécessairement, il nous remettait en santé. Tandis que dans les systèmes actuels, bien, plus vous êtes malade, plus les médecins font de l'argent. Bon. Est-ce qu'ils ont un intérêt à vous tenir en santé? Beaucoup de médecins, oui. Beaucoup d'autres, ça n'a pas d'importance. De toute façon, il y a tellement de malades dans la structure actuelle que même s'ils ne vous conservent pas, la demande est tellement grande qu'il n'y a pas de problème. Bon. Est-ce que cela améliorerait la santé collective? Je répète, c'est l'instruction qui va améliorer la santé collective, surtout lorsque collectivement, l'individu va décider que pour lui, c'est important sa santé. Mais là, il va commencer à se plaindre que les livres pour devenir en santé, ils vendent cher. C'est un racket. Ce ne sera pas long. Allez voir. Vous savez, on parle de l'acupuncture ou de la chiro. Vous avez un problème quelque part ou une pathologie et on va vous dire, bien, ça prend 20 traitements à 20 $. C'est 20 traitements à 20 piastres, 400 piastres. Allez voir un médecin, ça coûte pas cher, hein? Mais ça coûte combien au gouvernement? 8 000, 1500, 2000? Puis on va gueuler contre l'acupuncteur qui nous vole. Parce que lui, il prend 400. Il y a bien des choses comme ça qu'il faut qu'on calcule. Juste une opération qui vous est inutile. Ça a coûté combien? Ah, rien. Ils vous ont pas volé. Ils vous ont volé peut-être la rate, hein? Mais ils vous ont pas volé. Ils n'ont pas raté, surtout. Seraient-ils les médecins... Bon, meilleurs en glissant ou en sliglant, en tout cas, c'est pas grave, on va y revenir. Et les 10 prochaines années seraient-elles mieux équilibrées sur le plan mental, physique et spirituel, de corps mieux endocriné? Si les êtres humains étaient en santé, ça ne regarde pas les médecins. Il y a énormément de médecins qui font leur possible pour maintenir les gens en santé. Et lorsqu'un patient vient les voir, ils disent au patient, « Ah ben, faut que tu cesses de manger tes cochonneries. Faudrait que tu fasses ceci. » Non, les pelules, attends un peu avant que je te prescrise des pelules. Faudrait que le patient est parti. Le patient est parti voir un vrai médecin, un médecin pelule. Alors, il y a des médecins qui font leur possible, mais des fois, le possible devient l'impossible. Alors, encore une fois, c'est l'individu qui doit s'arranger pour fonctionner. On connaît tout ce qui est mauvais à la santé. On ne peut pas tout changer radicalement, mais on ne doit pas attendre qu'un gouvernement nous l'impose. La ceinture de sécurité, c'est génial. Le problème, c'est que les êtres humains ne la mettent pas. Le casque des motocyclistes, c'est génial. Sauf que ça a pris une loi pour qu'ils le mettent. Alors, c'est un peu la même chose. On brime notre liberté. Si je veux me tuer, j'ai le droit. Oui, mais ça va nous coûter combien pour te ramasser? Alors, mets-toi ton casque ou ta ceinture. Comment devenir individuel dans la collectivité? Dans mon « je suis ». Quel est le... Je pense qu'on a des passants illusoires qui vont sur des chemins qui vont nulle part. La personne met un point d'interrogation, donc elle ne le pense pas. Parce qu'elle finit avec un point d'interrogation, c'est une question. Comment devenir individuel dans la collectivité? C'est extrêmement simple. Il suffit simplement d'être capable de se supporter. Et là, les autres pourront nous supporter. C'est simple d'être individuel dans une collectivité. On va tous se promener quelque part, puis quand la gang décide de faire une connerie qui ne nous va pas, eh bien, on ne le suit pas. C'est simple. Très simple. Sauf que l'humain, bien, finalement, si tout le monde le fait, je ne vois pas pourquoi qu'elle ne le ferait pas moi non plus, l'idée n'est pas là. On doit simplement déjà établir, atterrir, arrêter ce qui, pour nous, est intelligent et faire ce que nous concevons d'intelligent est ce que nous devons faire. Alors, si nous sommes 25 000 à penser la même chose, on va se créer une hiérarchie. pour gérer les 25 000 de façon à ce qu'on ne fasse pas toute la même affaire inutilement, mais on vise le même but. Et si on est 25 000, puis finalement, il y en a 24 999 qui décident d'entrer en guerre contre la Papouasie, ben moi, je débarque. C'est simple. Alors, on reste individuel. Je pense qu'on est des passants illusoires qui vont sur des chemins qui ne vont nulle part. Faites-vous-en pas un chemin, ça va toujours quelque part. Être intelligent, est-ce le discernement de discerner ce qui est intelligent? Ce n'est pas important d'être intelligent. L'important, c'est d'appliquer l'intelligence. Autrement dit, ce n'est pas important de se poser la question « suis-je intelligent? » Là, tu perds ton temps. Ce qui est important, simplement, c'est que lorsque tu vois un fruit qui est meilleur que l'autre, tu bouffes le bon fruit. Lorsque tu vois quelque chose qui ne te semble pas convenable, tu essaies de le régler. C'est simple, c'est ça, être intelligent. Bon, c'est pas de savoir si on l'est. Il y en a beaucoup qui se posent la question, puis qui disent oui. Puis après ça, ils vont s'asseoir. Bon. Est-ce que votre séminaire fait référence à un développement personnel? Non. Mon séminaire ne développe pas la personnalité. Il ne corrige pas la personnalité. La personne fait sans doute référence à des choses qui se passent au niveau des centres de croissance personnelle. Le séminaire que je donne est un brasse camarade, mais un brasse camarade au niveau de d'autres plans. Il ne brasse pas la personnalité, il ne brasse rien d'autre. Par contre, on répond à des questions. C'est un séminaire qui peut être pratique simplement par les chocs, les légers chocs qu'une personne peut avoir lorsqu'elle découvre que finalement, il y a des raisons à un paquet de choses qui la manipulent ou qu'elle ne comprend pas. Ce n'est pas de la croissance personnelle que d'apprendre qu'on n'a pas de libre arbitre et de vérifier qu'effectivement c'est vrai. Par contre, il y a des moyens de devenir libre. Et ces moyens-là, l'humain doit le travailler lui-même. Je ne suis ni un gourou ni un maître. Je dis les choses et les personnes font ce qu'ils ont à faire. S'ils trouvent cela intelligent et ils ont la volonté, ils peuvent l'appliquer. Sinon, il n'y a aucun problème, ils le rejettent. Il n'y a pas de croissance personnelle au niveau de mon séminaire. Une personne qui voudrait faire mon séminaire et penser qu'elle va pouvoir changer, avoir plus d'amis ou passer mieux, ou etc., ou être plus heureuse, non. Elle va comprendre plus ce qui arrive. Peut-être qu'elle va être un petit peu plus malheureuse. Alors, c'est différent. Je ne vends pas de bonheur. Il faut se lever de bonheur pour ça, pour être heureux. Par contre, lorsque l'on comprend une mécanique qui nous entoure et qui nous limite, maintenant on peut travailler. Et le travail, c'est le vôtre, c'est pas le mien. Alors le séminaire, il ne rend pas les gens plus malheureux finalement, mais une chose est sûre, c'est que si plus la personne peut rire d'elle, plus elle rit. Pourquoi? Parce que lorsqu'on décolle ce qui nous empêche de fonctionner, les choses qui arrivent, la question qu'on pose, Adolf Hitler, c'était-tu intelligent? Et cosmiquement, oui, très. Est-ce que tu es pour? Absolument pas. Mais il était brillant. Et on peut décoder tellement de choses à travers tout ce qui arrive sur la planète, ainsi qu'au Québec, ainsi que dans nos vies, ainsi que dans nos familles, comme les symptômes d'une personne qui se conscientise. Il y en a plein. On a déjà parlé des maladies de l'homme nouveau. Ben, je vous montre pas comment être malade. Une chose qui est sûre, c'est que quand tu fais 25 médecins parce que tu as un problème là, puis que les autres, ils ont tout ce qu'ils ont à dire, c'est que tu n'as rien, sache que c'est énergétique. Puis là, il y a des moyens de changer ça. Comment change-toi? Comment tu le sais? On en sait des choses qu'on fuit. Oh, on vient de les ressasser au séminaire. Est-ce que le séminaire est une porte pour le village OFSA? C'est les personnes qui veulent organiser le projet OFSA. Je pense qu'il est extrêmement convenable de demander aux gens de faire le séminaire. Maintenant, moi, je donne mon séminaire. Le projet, vous ça, c'est une idée que j'ai déjà eue il y a de cela 8 ans et que j'avais déjà eue il y a de cela 15 et 20 ans, que des personnes ont décidé d'appliquer. Alors, effectivement, pour l'instant, les personnes qui font le séminaire, s'ils veulent toucher à ça, ils le peuvent. Si la personne qui veut toucher à ça sans passer par le séminaire, je ne crois pas que les organisateurs vont le lui permettre. En passant à n'importe quelle chose que je donne moi, il peut arriver qu'un individu se trompe. La personne qui fait mon séminaire puis qui s'est trompée, eh bien, elle est remboursée puis elle va simplement dépenser son argent là où elle aurait eu besoin de le dépenser. Donc, il n'y a pas de problème. Est-ce que seules les choses qui sont faites au centre de l'universalité vont réussir? Non. Je pourrais même dire que la majorité des choses faites au centre de l'universalité ne réussissent pas. Bon. Et d'ailleurs, les personnes qui viennent ici depuis quelques années, Il y en a qui ont ri, là. Vous voyez? Ce qu'il faut, ce que l'homme doit comprendre, c'est que le discours que j'ai tenu ce soir, c'est un discours qui s'adresse à ceux, évidemment, qui l'entendent, ceux qui sont ici et ceux qui n'y sont pas, pour la simple raison qu'on va à des cassettes. Vous voyez, c'est pas mystérieux. Bon. Il y en a qui vont l'entendre, mais qui ne sont pas ici. Partout au Québec, il y aura des humains qui vont se lever finalement et qui vont être capables de se regrouper tout en restant individuels. Bien entendu, il y en a plusieurs qui vont se regrouper collectivement sans savoir exactement ce qu'ils font. Ça ne change rien. Planter des choux en sachant qu'on les plante et planter des choux sans savoir ce que l'on fait, l'important c'est qu'on aime les choux. Parce que c'est ça qu'on va manger. Bon. Alors, il y a énormément de choses qui vont réussir sur la planète. Il y a énormément de choses, mais il y en a encore beaucoup plus qui vont foirer. Et ça, c'est à travers ce qui existe déjà et qu'on essaie d'oublier que ça existe. Lentement, ça va tomber. Vous avez parlé d'un preacher américain. En êtes-vous un? Je ne suis pas américain. Voilà. Ça règle le problème. Les télévangélistes, les évangélistes, les prêtres, etc., j'ai déjà expliqué plusieurs choses sur eux. Moi, on ne peut pas me suivre. Je donne un séminaire, je donne de temps en temps d'autres séminaires parce que j'ai à apprendre en les donnant. Et on ne me suit pas. Si des humains font quelque chose et qu'ils veulent que je jase avec eux ou que je participe d'une façon quelconque, s'il y a de l'intelligence là-dedans, ça me plaît. Je n'organise pas. Je ne suis pas à la tête. Et je reste libre. Est-ce que l'on est bien protégé en restant au Québec? Bon, je vais une conférence qui intitulait « Le Québécois, une race à part ». P-A-R-T, n'est-ce pas? Pas P-O-R-C. Bon. Alors, le Québec est sur le bouclier canadien. Le bouclier canadien, c'est la première terre de surface sur notre planète. C'est ésotériquement vrai, c'est géologiquement vrai et c'est scientifiquement vrai. C'est un bouclier, c'est une plaque qui ne se scinde pas, qui ne bouge à peu près pas, qui ne subit pas de tremblements de terre majeurs et qui, à travers toutes les traditions du passé, a toujours été placée d'une façon assez exemplaire comme étant l'endroit où vont se réfugier les individus les plus évolués des races actuelles ou des races présentes à ce moment, parce qu'un changement, une mutation planétaire est envisagée. Alors, il y a eu différentes races, et différentes sous-races. On a déjà entendu parler de la Terre blanche, de l'Hyperborée, de la Lémurie, de l'Atlantide, et on parle par la suite des races indo-européennes. À chaque fin de cycle majeur, les individus les plus évolués ont migré. Noé a migré, lui, Noé faisait partie de la race atlantéenne. Il a migré et il a abouti sur le mont Ararat en Turquie. Une autre partie de son laboratoire, il partait des Galapagos, une autre partie de son laboratoire s'est échouée dans les terres de feu. La majorité des individus les plus avancés de l'époque avaient simplement migré vers le nord, vers le bouclier canadien, là où la terre ne bouge pas. Il y a aujourd'hui des personnes qui migrent, qui viennent de différents pays, qui viennent vers le Québec. Le Québec ésotérique, c'est-à-dire tout le bouclier canadien, donc une partie de l'Ontario, les territoires du nord-ouest, et on monte un petit peu. Bon. Les personnes peuvent simplement naître au Québec, c'est leur forme de migration au niveau réincarnationnel, et d'autres devront déménager leur corps physique parce qu'ils sont venus au monde sur un autre territoire planétaire et ils viennent ici. La couleur de la peau ne veut rien dire, et on ne peut pas se préoccuper de cela. Le Québec est effectivement très protégé. D'une façon politique, le Québec politique est protégé parce qu'il est vu de certaines façons par des nations qui, à un moment donné, peuvent entrer en guerre les unes contre les autres. On est presque un territoire neutre. Et il y a un paquet d'autres raisons qui fait que, de toute façon, le Québec va être un des premiers à se lancer dans l'instauration d'idées et de mondes nouveaux. Présentement, le Québec est un véhicule tampon qui reçoit la majorité des nouvelles idées, philosophies, etc., ou même religions et sectes du monde entier, ça vient au Québec. Tout ce qui meurt au Québec a été éliminé. Et lentement, présentement, depuis quelques années, des choses neuves naissent au Québec. Petit, neuves. Ça naît au Québec. Et lentement, ça va maintenant s'étendre à l'extérieur. Bon, y a-t-il un rapport entre les enseignements que vous donnez et l'accessibilité à OFSA, Organisation du Village Scientifique de l'Avenir? Y a-t-il donc un rapport entre les enseignements que vous donnez et l'accessibilité à OFSA, un futur possible? On va y revenir. Combien de temps donnerez-vous encore le séminaire? Ben, j'ai aucune idée. Ça, c'est... Quand ça va arrêter, ça va arrêter. Là, apparemment, j'en donne un autre prochainement. Mario dit. Bon. Prochain demain. Oui! Okay, avant de parler du village Ossa, je voulais juste... Je voulais parler de... C'est sûrement au courant, les deux étoiles qui sont au nord, là. Je crois que c'est Mars ou Vénus. C'est Mars et Vénus. Est-ce qu'il y a une relation avec le début de ce que je pourrais appeler ou ce qu'on pourrait appeler une conscience nouvelle? Bon, oui, ce serait un peu long à expliquer. Présentement, ces deux planètes étant au-dessus d'un paquet de territoires, mais en l'occurrence, au niveau du Québec, évidemment, il faut se placer cosmiquement, ils sont loin, ce qui fait que ce qu'ils chapeautent est énorme sur la planète Terre. Les paliers mobiles du monde de la mort sont des paliers particuliers qui sont en attraction chacun avec une planète différente. Quand une planète se déplace, le palier qui suit une forme d'ellipse s'étire et se déplace avec. Quand une personne vient au monde, ce qui traverse le monde de la mort, donc le ciel, traverse ces paliers. C'est pourquoi on parle d'astrologie. On dit que les astres peuvent influencer, mais l'astre n'influence pas l'homme. Il influence le palier mobile dans lequel va avoir vu ou pris naissance l'âme humaine. Mars est un phénomène de guerre. Vénus est un autre genre de phénomène atténuateur. Présentement, les deux paliers sont un par-dessus l'autre et nécessairement, la tangente peut amener des humains à vouloir non pas entrer en guerre pour se battre, mais à vouloir entrer en guerre pour bâtir. C'est-à-dire que ça dynamise énormément l'humain. Alors, je ne donnerai pas un cours d'astrologie sur ce phénomène-là. C'est une astrologie plutôt cosmique, sinon comique. Et c'est un phénomène qui peut faire vibrer suffisamment d'individus pour qu'un petit noyau se soit groupé dans le but de faire atterrir l'idée of ça qui traîne dans l'astral depuis 8 ans. Donc, c'est un rapport avec une nouvelle forme de conscience? Non. Ça permet simplement à l'humain de devenir presque écœuré, d'être écœuré un peu plus facilement. Alors là, il décide qu'il veut agir. Et au point de vue du village of ça, c'est qui exactement qui va l'organiser? Je connais quelques personnes. Donner les noms pour l'instant, ça ne sert à rien. Ils ont organisé une réunion d'information le X avril. Et tu pourras avoir les informations là, sinon te renseigner aux personnes en bas. Correct, va t'asseoir. Comment va-t-on se sortir de l'individualité pour travailler collectivement? On ne peut pas travailler collectivement, intelligemment, si on a une conscience collective. On doit avoir une conscience individuelle qui nous fait dire simplement, « Ah bien, toutes les mères de ma gang, ils battent leurs enfants quand leurs enfants mangent avec le doigt. Bien, le mien, je le bats pas, ça me dérange pas qu'il mange avec ses doigts. Ah! J'ai une conscience individuelle, puis là, maintenant, je peux travailler avec les autres. Sinon, si je suis, ah bien, ils font ça, peut-être que je suis pas correct. » Combien de parents, à un moment donné, se sont posés la question, peut-être que je ne suis pas un bon père, peut-être que je ne suis pas une bonne mère, juste parce qu'ils laissaient des choses intelligentes à leurs enfants. L'exemple que je donne souvent quand je fais des conférences, soit avec les parents ou des professeurs, sur l'enfant nouveau, c'est qu'est-ce que c'est qu'un parent? Alors, vous avez une petite fille, et puis elle s'habille tout croche, tout travers. Veux-tu qu'elle sorte avant que je le dise? Non. Elle s'habille tout croche, tout travers. Puis là, elle peut jouer à terre, elle s'en va, elle arrive à l'école un peu crottée. Qu'est-ce que tout le monde pense? Que la mère ne s'occupe pas d'elle. Par contre, l'autre petite fille qui arrive toute bien organisée, là, qui ne peut pas se frotter ses murs, puis qui doit faire attention à la marche, là, arrive à l'école, qu'est-ce que le monde pense? Ah, elle, sa mère s'occupe d'elle. Il y a un enfant mort bien habillé, il y a un enfant vivant mal habillé. Vous comprenez l'idée? Alors, lequel est le bon parent? Bien, celui qui laisse l'enfant être un enfant. Alors, on a une conscience individuelle quand, bon, c'est ça, ils sont tous bien habillés, bien, c'est ça, tu les vois-tu comme tu veux, c'est bien correct. Que ça change. Elle ne durera pas plus parce qu'elle est toute pognée. Hein? Bon. Quand va-t-on entendre parler de monarque, en quelle année et dans quel endroit, pays, ville? Bon. On va entendre parler réellement de monarque. Le monarque, c'est pas un cave. Lui, il va attendre que ce soit fini. Sauf que lui, il peut attendre que ce soit fini parce que de toute façon, il n'a pas à intervenir avant. On ne peut pas diriger une population planétaire lorsque la population planétaire est encore convaincue que ses erreurs sont des solutions. Un monarque, c'est intelligent. Et pour qu'un monarque intelligent puisse gérer des humains, il ne voudra pas mettre la moitié ou les trois quarts de ses énergies à obliger l'humain à accomplir de l'intelligence alors que l'humain n'a pas suffisamment d'intelligence chez lui pour le comprendre. Un exemple, Un monarque veut simplement dire qu'il n'y a plus d'élection. Vois-toi? Ah, ben non, votez! Votez peut-être pour moi, le monarque. Bon, je suis pas le monarque, mais c'est le monarque pour dire ça. Bon. Le monarque lui-même, qu'est-ce que c'est? Il y a dans la province de Québec de la pollution. Et si le monarque arrive et dit, parfait, on va dépolluer, qu'est-ce qui arrive? Tout le monde veut pas. Fait que le monarque, il va se dire, mais attendre qu'il soit tout étouffé. Puis après ça, quand je vais arriver, ils vont tous me prendre comme un sauveur. Bon. Alors, quand il y aura eu suffisamment de problèmes sur la planète, et dans les 10 prochaines années, ça va accélérer, culminant en 98, et ça va après ça marcher jusqu'à l'an 2002-2004, et ça va lentement diminuer jusqu'en 2023, où ce que là, ça va être pas mal rétabli convenablement. Il y a énormément d'humains qui vont vivre merveilleusement bien pendant ces 23 ou ces 25 prochaines années. Le monarque, il va simplement attendre qu'il y ait suffisamment d'humains. Parce qu'on ne sera pas régi par un monarque. Certains peuvent appeler ça Maitria, d'autres le Christ, enfin, le nom, enfin, le nom, c'est pas important. Mais à un moment donné, si un monarque vient dire, le ciel est beau, il faut que tout le monde dise oui, puis il est mieux de le rester. Parfois, le monarque peut venir. C'est simple. Parce que là, le monarque n'aura rien ordonné. Il va pouvoir coordonner. C'est-à-dire ordonner avec les autres. Mais ça coordonné. Bon, voilà. Off ça. Off, O-F-F. Ou Kempville. Est-ce que ça va être un genre d'Euroville où on va tous s'aimer et où on va servir de modèle à la société? Bon, alors, on revient encore là-dessus. Ce n'est pas Kempville, n'est-ce pas? Si ça me plaît d'y aller, je vais y aller. Si ça me plaît pas, j'irai pas. Euroville, c'était une idée amenée par Aurobindo, qui a voulu descendre d'une idée intelligente un petit peu avant le temps, de façon à la matérialiser, de façon à instruire le monde de la mort. Et ça a été recopié par la suite un peu partout. Où on va tous s'aimer et où on va se servir de modèle à la société. La personne ici, elle a sans doute la haine totale de tous s'aimer, et elle ne veut absolument pas, sans doute, servir de modèle à la société. Qu'elle aille ce... bon. Qu'est-ce qu'il y aura de différent dans l'arche de Noé à part toi au lieu de Noé? Bon. Noé savait nager, moi pas. Bon. Je répète l'idée. Pourquoi, au lieu de penser que moi, je veux, ou je suis, ou je veux être quelque chose qui amène les gens, pourquoi ne serais-je pas simplement le 10 000e régi par des paliers, et le 10 000e, donc on est 10 000 sur la planète, à simplement dire aux gens, bien, on peut bâtir un monde qui a de l'allure, puis on peut regarder le monde se détruire au choix. Alors, pourquoi, au lieu de cela, il faut continuellement que l'humain veuille immédiatement archétyper, c'est-à-dire prendre des vieilles formes, cataloguer, mettre dans un tiroir facile, au lieu simplement de dire, bien, ça a de l'allure. Lorsqu'à un moment donné, on a un avocat qui a décidé d'appuyer le mouvement, un mouvement écologique, les gens, est-ce qu'ils ont dit, tiens, il part une secte? Non, parce que c'est un avocat qui est connu. La journée qu'il va commencer à faire des conférences pour dire aux gens, mais merde, ça essaie de polluer! On peut avoir une société plus belle! Là, on va dire, tiens, il va aller rejoindre Kem sur Ballon. Ça n'a rien à voir. Lui fait le travail comme il doit le faire. Moi, je le fais comme je dois le faire et d'autres le feront aussi comme ils doivent le faire. Il n'est pas question de Kempville ou de quoi que ce soit. Ça n'a rien à voir. Montréal s'appelle Montréal. Ça aurait pu s'appeler aussi Pétersbourg, la ville de Pierre. Ça, c'était en Union soviétique parce que c'est Pierre, enfin, un des grands tsars qui l'a construit. Probablement balayer tout ce qu'il y avait devant lui. Mais on vit aussi bien à Pétersbourg qu'on vivrait si la ville s'appellerait Montréal là-bas. C'est pas le nom qui change quelque chose. Daniel Kemp, il ne fait rien. Il a une grande gueule et il parle. Par contre, les individus qui ont de l'intérêt ou qui sentent de l'intelligence quelque part, ils peuvent simplement s'allier et travailler. Si on a besoin de moi, je peux aller. Et si j'ai besoin de vous, j'irai aussi. Mais on ne doit pas tout mélanger. La différence entre Noé et moi, c'est que Noé, lui, il était un bonhomme qui faisait des expériences et il a été récupéré par la tradition de façon à ce qu'on s'en sert. Voilà. En ce qui me concerne, moi, non. Moi, c'est déjà tout tracé ce que j'ai à faire. Je n'ai pas de problème en avant. Mais on peut bâtir, on peut ne pas bâtir, on peut regarder, on peut participer, on peut faire bien des choses. Il n'est pas question d'élus, pas comme on le pense. Toutes les humanités vont être incluses dans les 144 853 élus dans quelques milliers d'années d'ici. Mais ce n'est pas pour demain tout cela. Toutes les prophéties, vous pouvez remarquer qu'elles ont toujours été fragmentées dans leur application dans le temps. On pense que tout vient de même, il en vient un bout. 50 ans après, il en vient un bout. 50 ans après, il en vient un autre bout. Fait que là, on se tabarouette, puis il en vient un autre bout. Non, les élus, c'est pas pour demain. Oui? Est-ce que l'apocalypse, c'est l'éclatement d'un égrégore créé par des prophètes tels que Nostradamus ou Guy Casey et nourri par tous ceux qui ont cru aux prophètes, ou bien si c'est l'apparition d'une nouvelle société qui est nécessaire et puis l'apocalypse le favoriserait? Bon, l'apocalypse, c'est nécessairement quelque chose qui va favoriser le changement chez l'homme. Un apocalypse, c'est exclusivement l'éclatement de la majorité de tout ce qui vient encarcaniser la conscience de l'homme. L'apocalypse, c'est l'éclatement de la tradition qui vient. Il y a une tradition qui est utile à l'homme, puis une tradition qui bloque l'homme. L'apocalypse, c'est de balayer cela. Lorsque l'humain se vautre dans la matière, à un moment donné, la matière va le détruire. Alors, il va savoir que la matière, il y a un danger. Lorsque l'humain se vautre dans la spiritualité, à un moment donné, il va crever de faim parce qu'il ne sera pas occupé de la matière. Alors, il va encore découvrir les pièges qu'il y a là-dedans. Les apocalypses vont unir les humains, comme le terrorisme international en Europe. Il a une seule fonction, unir les pays européens. Un apocalypse, c'est une révélation, si le terme lui-même veut le dire. Révélation de choses à venir, présentes ou passées. Telle est la définition du mot apocalypse. Alors, on ne doit pas avoir peur de l'apocalypse. La seule chose qu'il y a, c'est que la majorité des structures présentement veulent bâtir un monde nouveau pour fuir l'apocalypse. Moi, ce que j'ai dit ce soir, c'est qu'on ne fuit pas l'apocalypse. Par contre, il y a de l'intelligence à améliorer notre condition. Si des humains doivent se grouper, comme dans le projet OVSA, pour faire de la recherche ou pour pouvoir simplement se créer un monde ou un écosystème plus brillant et même l'exporter, ça les regarde. Si d'autres individus veulent simplement s'acheter un condominium en gang pour pouvoir avoir une maison où ils auront choisi leurs amis, leurs voisins, où ils pourront faire des choses ensemble, ça les regarde. Mais là, il y a de l'intelligence appliquée. Pas besoin de thème pour ça. Par contre, de temps en temps, en entendre parler, ben, ça peut réveiller des petites choses chez nous. Pour les deux prochaines années, que sera l'évolution de la création de l'enfant en éprouvette? L'enfant en éprouvette, pour les deux prochaines années, il va être éprouvé, lui. L'évolution de la science du point de vue du clonage et du point de vue de l'in vitro et de ces choses-là va avancer jusqu'à un point où les parents auront presque le loisir de choisir l'enfant. Et les quelques rares parents qui vont faire la gaffe de choisir l'enfant, peux-tu venir t'asseoir? Non, viens t'asseoir. Il faut arrêter de bouger. Bon. Alors, les parents qui vont choisir leurs enfants auront un grand problème, un grave problème, et il y en a quelques-uns qui vont connaître cela. Ça ne va se connaître qu'un peu trop tard. Pour la simple raison que la génétique de ces enfants-là aura été une génétique choisie, et tant que génétique choisie, ça engendrera des enfants nouveaux qui décoderont typiquement qu'ils n'ont rien à foutre avec ces parents-là. Et de toute façon, ça commence déjà, il y a déjà des souffrances à ce niveau-là, mais là, ça va être absolument terrible pour les parents. Au niveau du reste, on va abandonner dans les prochaines années ce genre. On va abandonner la recherche parce qu'on aura suffisamment de résultats plaisants pour permettre spirituellement ou humainement à certaines familles d'avoir des enfants. Il y a un problème. Il y a des choses, je pourrais continuer, des choses que je ne veux pas dire, mais une chose qui est certaine, c'est qu'on aura à un moment donné une recrudescence au niveau des enfants à adopter. Et c'est ce qui va d'ailleurs commencer à mettre un terme à la recherche sur le clonage agricole et sur ce genre de choses. Vous dites qu'il va y avoir une crise économique. Est-ce qu'on doit situer... Je ne sais pas lire, hein? Vous écrire comme il faut. Situer l'épargne retraite pour en... Retirer l'épargne retraite pour en profiter ou on risque de la perdre. La meilleure façon d'éviter une crise économique en tant qu'individu dans un secteur où il peut y avoir une crise économique, la meilleure façon est premièrement de s'acheter les choses qu'on a besoin lorsqu'on a de l'argent. Il y a énormément de personnes qui ont de l'argent à mettre en banque, puis là, ils auraient le goût d'acheter des affaires, puis en fin de compte, ils ne le font pas. Puis à un moment donné, l'argent commence à manquer, puis l'objet, ils l'auraient. Mais là, ils ne peuvent plus. Autre chose, on doit s'arranger aussi pour, humainement, et ça, on doit le faire en se parlant pour commencer, s'arranger pour que l'argent soit dépensé dans des individus qui pourront se la remettre au maximum. Ça demande nécessairement quelques centaines ou quelques milliers d'individus, mais si on commence, ça croît lentement. Bon, alors, il y a des choses comme ça qui peuvent se faire. Maintenant, garder l'argent en banque, c'est un problème. Pourquoi? Et c'est impossible de les mettre dans son tiroir. Le problème, c'est que pour atténuer une crise économique, il faut qu'on achète des choses. Quand l'individu voit une crise économique arriver, il a peur. Ayant peur, il ne dépense plus. Ne dépensant plus, tout tombe. Et la crise économique arrive. Voyez? Alors, c'est un cercle vicieux qui est dangereux. Les personnes vont par contre dire, oui, mais je suis seul à dépenser, c'est quand ça va tomber. L'argent ne vaudra pas plus. Je pense que ça va simplement des affaires qui sont achetées, tandis que les autres auront de l'argent pour rien acheter. Alors, on doit en conserver dans le but de pouvoir faire des choses. Sauf que le potentiel financier d'un individu qui a beaucoup d'argent, en cas de crise économique, il ne s'en sent pas trop. Tous les autres individus doivent s'arranger pour pouvoir cumuler leur potentiel financier ensemble de façon à créer une force. Et avec ça, la force, ils pourront faire de quoi? Sinon, il y aura des problèmes. Un exemple, la carotte vaut 2 $. Mais si on achète 1 000 000 de carottes, parce qu'on est un paquet de monde, ben, ils vont nous la baisser le prix de la carotte. Encore une fois, il faut que l'individu arrive à comprendre l'intelligence, travailler ensemble, en groupe. Qu'est-ce qui fait de Gretzky un joueur de hockey supérieur? A-t-il une sorte de sixième sens? A-t-il une intelligence supérieure? Non. Gretzky, l'avantage qu'il a, c'est qu'il a une génétique qui lui permet d'être juste dans un état de conscience globale de son jeu de hockey. Et donc, il a inconsciemment une conscience où il voit, où il perçoit toute la... simplement manipulé par son hockey, et il se ramasse toujours là où la rondelle va aller. Et nécessairement, ça facilite les choses. Guy Lafleur avait le même phénomène. Mais tout cela est passager, parce que si on n'a pas la conscience, à un moment donné, ou si on gueule trop, ou si on crie trop, ou si on s'enorgueillit, ou etc., bref, quand on devient une idole, lentement, on se coupe de ces contacts-là, parce qu'on pense que c'est nous autres qui sommes bons. Et puis, à un moment donné, ben là, on est plus bon. Quels sont les moyens de protection efficaces contre le sida? Bon, c'est fusionnant en masse, hein? On en parle même à la télévision, on peut regarder les téléromans. Outre la fidélité, donc autre que la fidélité et l'abstinence, les relations orales génitales sont-elles dangereuses? Les relations. Une chose qui est certaine, c'est que l'être humain perd énormément d'énergie vitale par des relations sexuelles continuelles. L'énergie vitale, c'est de l'énergie qui bâtit le cerveau, permet donc une mutation de la conscience, bâtit le système endocrinien et permet finalement que moins d'hormones soient sécrétées. Alors, quand quelque chose nous fait sursauter, ben, on n'a pas le cœur qui se met galant en fou pour transpirer pas partout, le système endocrinien apprend à se taire. Alors, rien là, le corps, il reste calme. Pour ça, on a besoin de vie. L'enfant qui vient au monde, lui, va commencer à procréer seulement vers l'âge de 10 à 14 ans, disons 12 ans. Pourquoi? Parce que la programmation de son cerveau et de son système endocrinien n'est pas complète. Alors, il a besoin de tout son potentiel d'énergie vitale pour cela. Lorsqu'il est suffisamment complété, alors là, il commence à devenir ce qu'on appelle un adulte. Il fait sa phase de puberté et là, il peut se reproduire. À partir de ce moment-là, la simplicité disparaît chez lui. Il y a un paquet de phénomènes qui vont disparaître chez lui parce qu'il n'a plus suffisamment de vie pour être en contact avec une instantanéité. Il n'est plus instantané. Il devient sérieux, il devient mémoriel, il range l'expérience, puis là, il marche avec ça comme il peut. Étant donné qu'il va vieillir maintenant, parce que la majorité de son énergie vitale ne sert plus à la gestion de son corps, il en perd par orgueil, par chicane, par sexualité, par un paquet de raisons. Lentement, les cellules même du corps finissent par perdre la mémoire vitale qui les habitait, et à un moment donné, le processus de vieillissement commence à s'enclencher. La relation sexuelle est là comme première fonction d'engendrer des enfants. C'est logique. La deuxième fonction, de permettre un contact affectif entre l'homme et la femme. Sauf qu'à un moment donné, ben, ça devient comme la radio. Tu l'as les oreilles à journée longue. Alors, le sida, c'est une maladie. Le problème n'est pas au niveau du sida, le problème est simplement au niveau de certaines choses. Quand on est mal pris, on est mal pris. Bon, tant pis. Sauf que la réponse, elle est... elle se retrouve beaucoup plus au niveau de l'intelligence même, de cette énergie-là. Quand l'homme a fini une relation sexuelle, il est capote. Bon, désignez-moi de quoi, madame, il va dire oui. S'il dort pas déjà. Il perd de la vie. Quel est le processus à suivre après s'être changé soi-même? sans être l'apocalypse, vous croyez quand même à la fin d'une civilisation. Je crois à la fin d'un monde. Je crois, et je sais. Il y aura, et il y a déjà des changements majeurs, et il y en aura de plus en plus. Plus l'être humain a une conscience planétaire, on est informé de tout ce qui se passe sur la boule. Il y en a qui la perdent. Mais à un moment donné, l'humain ne peut plus rester confiné dans son petit trou et à penser comme on le faisait il y a 10 ou 15 ans. Bon, on jardine, on y va, etc. Non, on est au courant de pas mal de tout. Il y en a qui fuient, c'est un danger. On ne doit pas fuir, on doit s'informer, justement. J'ai dit souvent que moi, je ne veux pas savoir qu'il y a une guerre mondiale quand les Russes ont frappé à ma porte pour me dire où les mains. Et j'aimerais savoir un peu avant. On lit les journaux. Il y aura la fin d'un monde et il y aura une mutation complète des structures sociales dans les 10 prochaines années. Ce sera une mutation souffrante, une mutation première parce qu'il y aura des humains de plus en plus qui vont vouloir cristalliser un quelque chose de beau pour fuir ou pour empêcher une chose de se détruire. Il y aura énormément d'humains qui vont aussi vouloir absolument, mais absolument engendrer des mécanismes de défense parce qu'ils vont avoir peur. Vous avez remarqué ces derniers temps à la télévision les nouvelles annonces? Où on voit une petite craque dans le... où on voit du vent, puis un orage, puis on voit une bombe nucléaire sauter, puis là on vous dit, renseignez-vous, on ne sait jamais. Pourquoi qu'ils ne montent pas la bombe nucléaire dans le début? Bien, c'est parce que là, tout le monde comprendrait. Fait qu'on y va avec tornade, on n'en a jamais ici. On y va avec des tremblements de terre, on n'en a jamais ici. On y va avec des raz de marée, on n'en a jamais ici. Pour finir avec l'explosion nucléaire, c'est le message de la protection civile. Hein? Renseignez-vous au bureau de la protection civile le plus près. Les gouvernements savent ce que l'humain ne sait pas. Par contre, celui qui a de l'intuition, les prophètes en avaient, des fois ils en avaient trop, mais enfin, ils savent des choses. Alors, il y aura effectivement d'énormes changements. On prépare tout pour ça. Mais on prépare une destruction. Il faudra qu'il y ait des humains qui préparent une création. Il n'y a pas d'innocents sur cette terre. Commentez, s'il vous plaît. Il y a des ignorants. Et l'ignorance n'est pas un défaut. Ce qu'on ne sait pas, on ne le sait pas. Dites-nous-le, on va le savoir. Simple. Il n'y a sur la terre que des hommes et des femmes de bonne volonté. Mais ils le font mal. Quand on dit « paix sur la terre aux hommes de bonne volonté », il n'y a aucun problème. Celui qui est dans un camp, bien, ça, il a la bonne volonté. Lui, il veut absolument aider sa patrie. Il veut absolument amener son idée. Il veut, bon, c'est ça. Puis on se bat, puis on s'entretue, puis on y marche. Il n'y a pas d'innocents sur la terre en ce sens de personnes qui sont absolument irresponsables, comme l'enfant qui vient au monde. Bien, il n'est pas innocent, il est déjà coupable. C'est ce que l'on veut dire. Non. L'être humain est responsable de certaines choses. Il n'est pas coupable parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Autre chose, l'enfant qui vient au monde et qui subit déjà des problèmes, il supporte un karma collectif. C'est-à-dire qu'il supporte une réaction collective. L'enfant qui est dans le ventre d'une mère qui prend le médicament qui s'appelle la thalidomide va naître avec les membres insuffisamment développés. Qu'est-ce qu'il a fait? Rien. Ça ne le regarde même pas, sa souffrance. Il supporte le karma de la collectivité. Ça ne le regarde pas. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça ne le regarde pas? Ça veut simplement dire qu'il y a une destinée au niveau d'une collectivité. Il n'y en a pas une au niveau de l'individu. L'enfant qui vient au monde, lui, il supporte un karma collectif, et sa mère, son père vont payer aussi collectivement. C'est pourquoi la société va, la collectivité va pouvoir s'en occuper. Il n'est pas innocent, sauf que ça ne le regarde pas ce qui lui arrive. À un moment donné, on va revenir là-dessus, dans une conférence prochaine. Oui? Je veux savoir, mon sujet de l'hypnose, là. Comment ça se fait que, disons, qu'ils se sont fait hypnotiser par un hypnologue là, qui sait, il sait qu'il connaît le passé, comme disons, ça devient comme une vidéo, là, tout est filmé, tout est enregistré. Et puis notre futur, qui sait que, disons, 3-4 ans d'avance, qui sait que notre vie, qu'on va être dans l'endroit, qu'on va aller, qu'on va être automatiquement, qu'on pense où est-ce que c'est qui nous a inspiré dans le. Comment il peut connaître l'avenir? Oui, comment il peut connaître l'avenir? Voilà. Ça dépend évidemment de l'hypnologue, parce qu'il peut aussi être extrêmement coloré par ce qu'il va sentir l'avenir, donc il peut se tromper. J'ai déjà expliqué, et c'est pourquoi je peux parler des 10 prochaines années. De toute façon, j'ai quelques questions ici que j'ai lues, là, qui me posent et qui me veulent que je clarifie. J'ai déjà expliqué c'était quoi le temps. Hein? Le temps, c'est un mur comme ça ici, et présentement, toi, tu as le nez planté en plein là. Alors, vu que tu avances lentement, tu découvres le rideau au fur et à mesure. L'hypnologue, ça c'est ton passé. Tu ne le vois plus ton passé, tu l'as en mémoire. Ça c'est ton avenir, tu ne le connais pas non plus. Ton avenir, tu as le nez collé d'un rideau. Mais à un moment donné, une personne qui se conscientise peut lentement avoir un point de vue retiré. Et là, il pourrait voir et ton passé, ton avenir et ton présent, savoir où ce que tu es. L'hypnologue, lui, toi, pas en état d'hypnose, tu peux parvenir à t'éloigner suffisamment et là, tu auras une vue plus claire. Et là, on ne dira pas « te rappelles-tu ». L'hypnologue va dire souvent « te rappelles-tu quand tu avais 5 ans ». Et la personne va répondre « oui, je me rappelle ». C'est faux. Tu ne te rappelles pas. Tu vois. C'est pas la même chose. Et c'est pourquoi c'est plus clair. C'est plus net. Tu ne t'en rappelles pas. Tu le vois. Et lentement, on peut aussi te demander de voir l'avenir. Il y a un problème dans l'hypnose vers l'avenir. C'est que, en voyant l'avenir, la trame de tous les êtres humains qui te côtoient peut se mélanger, ce qui fait qu'on peut se tromper énormément. Comme on peut avoir raison, ça dépend. Et c'est ce qui arrive dans le cas de l'hypnose. Quelle est la meilleure façon d'être, de faire ou d'agir avec les gens non conscientisés? Qu'est-ce qu'une personne non conscientisée? C'est une personne qui se lève un matin et qui dit « Ah, merde, il pleut encore! » Ça, c'est une personne non conscientisée, c'est simple. Elle n'est pas plus involuée, ça n'a rien à voir. L'évolution, souvent, c'est une question d'orgueil et de snobisme, d'accord? Simplement que là, elle chiale parce qu'il pleut. Alors là, elle est moins conscientisée. Elle n'a pas conscience que le temps est son maître et que c'est le temps qui détermine comment elle va vivre sa journée. C'est pour ça qu'elle n'est pas conscientisée. Comment vivre avec eux autres? Puis la personne, elle dit « Ah, merde, il pleut encore! » Tu es à côté, tu dis « Ah, merde, tu crains encore! » La seule consolation, c'est que nous, on sait pourquoi ils sont ainsi. L'ignorance, le mal de la planète, c'est sûr. Mais l'ignorance, pour les conscientiser, c'est le mal de la planète. Mais pour ceux qui ne sont pas conscientisés, c'est la connaissance, le mal de la planète. T'sais, moi, j'étais heureux, hein, tu viens de m'en parler. Ça l'a bien. Ben maintenant, ben c'est ça. J'ai déjà expliqué une fois qu'un homme est venu au centre de l'universalité pour nous gueuler après, parce qu'on avait rendu sa femme folle. Bon, parce que sa femme, elle faisait plus la vaisselle. Sa femme, elle faisait plus la cuisine quand il voulait. Sa femme n'était pas au sous-seuil de la porte de la tente qui arrivait de travailler. Sa femme, elle couchait plus deux fois par semaine ou même tous les jours avec. Parce que sa femme, maintenant, elle voulait aller travailler. Parce que sa femme, maintenant, elle disait, on fait la vaisselle chacun notre tour. Sa femme était rendue folle. Bon, ben c'est ça. Lui, il avait une plaie majeure, la conscientisation de sa femme. Sa femme avait une plaie majeure, la non-conscientisation de son mari. Y a-t-il un rapport de principe entre la béatitude de la communion des saints et l'habitude qu'ont les chiens de renifler les excréments des autres chiens? Je ne sais pas si cette personne-là connaît mon ami André. Ce serait typique. Voyez-vous, il y a une grande nuance. Et même si ça paraît suspect comme question, il y a toujours de quoi à ramasser partout. La béatitude de la communion des saints. C'est simple. Manger un piment en sachant qu'on mange un piment, c'est tout à fait différent que de manger un piment sans savoir ce que l'on fait. Le chien, il est instinctif et il fait des choses, et que certains humains snobs à l'intérieur d'eux vont trouver ceci ou cela. Ils peuvent même se permettre de comparer l'humain à des chiens. Et pendant ce temps-là, ils sont là, puis ils regardent l'humain, puis ils trouvent comme il dit, comme c'est un chien, mais tu sais. Il y a de là plein de chiens dans les fenêtres qui regardent dans la rue, hein? Puis qui regardent les chiens de ruelle, puis qui trouvent pas mal piteux. Ce sont des chiens pareils. La seule chose qu'il y a, c'est que la personne, elle vit de certains problèmes de spiritualité, d'anti-spiritualité, où ça l'enrage noir de voir certaines choses, ou d'entendre parler, ou de vivre, ou de devoir vivre, mais elle ne veut pas les vivre, certaines choses, exclusivement parce que des personnes qui ne savent pas ce qu'ils font, la font. Quand un jour vous voudrez être absolument individuel, absolument. Regardez ce qui va se passer. Quand on annonce la bière, c'est du collectivisme, n'est-ce pas? Ils sont tous en gang, ils font la même affaire, ils lèvent toute la bouteille en même temps, ils n'en boivent jamais, par exemple. Bon. Alors, regardez les annonces, ça ne boit pas la bière. Bon. Et là, c'est collectif. Quand on a commencé à vouloir ramasser tous ceux qui n'aimaient pas la bière, on a voulu leur vendre du lait. Moi, je bois mon lait comme ça me plaît. Et là, on ramassait les individualistes qui collectivement maintenant boivent leur lait comme ça le plaît, parce que là, ils ne sont pas collectifs comme ceux qui boivent la bière, comme on te le dit. tout dans le même gros boc ou dans la même bouteille. Bien là, tu as tout le charabia, oui, donc tu y vas, on en a vendu plein. Alors, il y a toujours un problème à un moment donné. C'est que le snobisme et plusieurs autres choses font qu'on fait la même chose que les autres, mais parce qu'on ne se regarde pas puis qu'on regarde les autres, puis parce que notre bière est blanche, parce qu'on la boit dans une affaire comme ça, bien, on pense qu'on est mieux que l'autre. Les chiens, finalement, ils sentent les excréments des autres. Par contre, le chien, il a un avantage sur plusieurs êtres humains, c'est qu'il ne se perd pas. Et c'est leur odorat qui leur sert. Vous dites que la dénatalité au Québec est prévue. Expliquez-vous. Bon, alors, encore une fois, si on veut plus d'explications, j'en ai parlé dans la conférence « Le Québécois, une race à part ». Il y a une mutation génétique dans les individus. Et au Québec, c'est là que ça se passe. Pour commencer, ça se passe au Québec. Il y a des exceptions, des ectopicités à l'extérieur, mais c'est pas grave, ça commence ici. Alors, lorsque l'être humain évolue, qu'est-ce que c'est évoluer? Évoluer, c'est pas avoir une grande tête qui te fait dire « Ah ben, c'est beau, ah ben, c'est laid, ah ben, lui, il est snob, ah ben, moi, je suis plus mormon, ah ben, moi, je suis témoin de Jéhovah. » C'est pas ça, évoluer. Ça, c'est parler de l'évolution. C'est pas pareil. Mais à un moment donné, on vous fait peur, et ça vous fait pas peur. On vous donne une claque en plein visage, vous vous contrôlez pas. Ça fait mal là, vous frottez un peu. Puis si on recommence, vous bloquez la main de l'autre. Puis s'il recommence, bien, vous donnez un coin entre les deux jambes, il tombe à terre, vous en allez. Sauf qu'il ne s'est rien passé chez vous. C'est ça, l'évolution. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe simplement ceci, c'est qu'à travers toute la vie de l'humain, il y a énormément de sécrétions endocriniennes, et j'en ai déjà parlé. En tout cas, c'est une chose qu'on fait, on jase plus au niveau du similaire, qu'on explique, qui lentement transforme le corps physique. Étant donné qu'au Québec, il devrait y avoir des humains plus solides dans les quelques prochaines années à venir, 7, 10 et 20 prochaines années, nécessairement, premièrement, on doit attirer, on doit avoir une raison qui va être supportable par les humains de cette province ou de ce pays qu'est le Canada, une raison supportable. Une raison qui peut faire dire, c'est sûr, il n'y a pas d'enfants, c'est pour ça qu'il y a plein de monde qui viennent immigrer ici. Il faut bien qu'il y ait une raison pour que personne ne s'inquiète. En réalité, ce n'est pas ça. Ça crée un trou dans la population, ça permet à des gens de venir s'installer. Les Québécois qui sont nés ailleurs, les autres qui suivent vont s'en aller ailleurs aussi. Ils vont être de passage sur le bouclier. Par contre, pendant ce temps-là, pendant que l'être humain cellularise, l'enfant, il est le jeune, la jeune fille ou le jeune garçon, il dit « Moi, j'en veux des enfants, j'adore les enfants, mais plus tard, je veux vivre ma vie. » On en revient encore à son vivre sa vie. Il veut se transformer. Il ne le sait pas, mais c'est ce qui arrive. Alors, il va être capable de muter son corps physique. Il aura des enfants à 30, 35, 40 ans. Et ces enfants-là bénéficieront de la mutation génétique du parent. Et ils seront déjà plus avancés biologiquement, ce qui va permettre une réincarnation d'entités plus solides, et ce qui va permettre aussi à l'enfant, cérébralement et endocrinalement, de supporter plus rapidement d'intelligence, pour la faible raison que la transformation des adultes aura pu être transmise par la génétique à l'enfant. Si on a des enfants régulièrement, continuellement, toute notre tradition est continuellement donnée chez eux. Alors, on leur donne continuellement la même affaire. S'il y a un trou dans la population et que les étrangers viennent, on ne peut pas leur donner immédiatement, qu'il n'y a plus suffisamment d'enfants, il y a énormément de choses qui vont mourir dans la tradition. On parle encore une fois d'un fin d'un monde. Et ça va se faire dans les 10 prochaines années. Lorsque ce trou est suffisamment grand, eh bien, ce qui arrive, il arrive qu'il y a un paquet de choses qui vont tomber. Lorsque finalement on va vouloir avoir des enfants, il y a un déclic qui va se faire, et là il y aura des personnes qui vont en avoir. Ces enfants-là bénéficieront de l'évolution pendant cette transition des prochaines années, des parents. Et lorsqu'ils vont venir, lorsque la mère va dire quelque chose ou le père va dire quelque chose, l'enfant va avoir une faculté plus puissante de dire non, c'est pas ça qu'il faut faire. Alors, c'est pourquoi il y a une dénatalité. C'est prévu du point de vue cosmique, évidemment. Les gouvernements ne le prévoient pas sans, même s'ils ne savent pas ce qui se passe. Le gouvernement, il passe des lois qui n'ont pas d'allure, puis il se dit « ça n'a pas d'allure », après ça, il se dit « bon, on va-tu souper ». Fait que la loi reste, ce qui fait qu'il n'y a rien pour encourager les familles à avoir des enfants. On vous pénalise presque. Qu'est-ce que l'égalitarisme d'un peuple? On parle sans doute de l'égalitarisme, on va y revenir. Est-ce que les maringouins et les mouches noires seront bannis? Autrement, je préfère mourir dans la ville. Alors, regardez ceci. Les mouches noires, ça vit dans le nord. Surtout, pas dans les cantons de l'Est. Et il y a quelques années, j'ai dit qu'il y aurait lentement une migration de plaques d'énergie vitale, tellurique, du nord. Et ces plaques vont lentement migrer vers le sud, tandis que des plaques qui partent des plaines du Saint-Laurent vont lentement migrer vers le nord. Alors, il y a des humains qui, de plus en plus, vont mal dormir où ce qu'ils sont, en ville ou dans les cantons de l'Est, ou dans le Nord. Pour la simple raison que leur ajusteur de pensée, leur double, entre autres, celui qui est en train d'être constitué, suit la plaque. Alors, il y a un peu quelque chose qui va se passer, et finalement, les humains du Nord vont commencer à migrer vers le Sud, et les humains du Sud vont lentement monter vers le Nord. Et il y aura des baisses du prix des maisons en vente, j'en ai parlé il y a quelques années, c'est commencé. Et ce qu'il faut constater aussi, c'est que l'été dernier, les mouches noires, dans bien des régions du Nord, il n'y en avait presque pas. Par contre, j'ai un de mes amis qui a une terre dans les cantons de l'Est, il y en avait, c'est absolument écœurant. C'est normal, les plaques vont aussi se déplacer avec ces personnages, qu'on appelle les mouches noires, les maringouins. Ça paraît stupide, mais c'est comme ça. Et je connais des gens, moi, qui vont dans la forêt et qui s'en vont avec 5-6 personnes, puis tous les maringouins sont sur une ou deux, puis les autres, ils sont bas. Or, c'est simple. Si tu veux continuer à vivre, trouve quelqu'un qui attire les maringouins. Il va servir de collant. Puis tu te maries avec. Simple. En me rendant ici, j'écoutais la chanson « Imagine all the people » de John Lennon. La formule « Imagine ». Un monde meilleur. N'attends pas le monde meilleur. Fais-le. Exact. C'est évident qu'il va se passer de quoi. Mais John Lennon est un personnage qui a été très dangereux à une époque parce qu'il obligeait les gens à réfléchir alors que ce n'était pas encore le temps. Et c'est d'ailleurs pourquoi il a été éliminé. C'est un très, très grand bonhomme qui a souffert énormément pour la simple raison que continuellement, il savait des choses qu'il ne pouvait pas exprimer. Et il a essayé de les chanter. Ça a marché. Et lentement, il y a des gens qui ont pris ces choses-là. Et puis, à un moment donné, bien, il était en train de bâtir, de penser à certaines choses. Et puis, il n'a pas parlé dans le bon temps aux bonnes personnes. Pourquoi John Lennon a-t-il été assassiné? Bon, ben, c'est intéressant. De toute façon, on sait maintenant, ça se révèle de plus en plus, qu'il y avait toute le FBI et la CIA aux trousses depuis déjà plusieurs années. Pourquoi le Nazaréen n'a-t-il rien fait pour sauver Jean le Baptiste? Parce que Jean le Baptiste était dans ses jambes et le Nazaréen a tout fait pour que Jean le Baptiste aille se coucher. Bon, et juste pour vérifier d'une façon biblique, lorsque le Nazaréen demande à deux apôtres, « Avez-vous des nouvelles de Jean le Baptiste? » On répond, « Oui, il est mort. » Après ça, il passe à d'autres sujets. Bon, on voulait voir si c'était fait. De toute façon, c'est des choses sur lesquelles je reviens souvent, soit dans les conférences ou dans le séminaire, mais là, ça serait un peu long à répondre. Si le bouclier canadien descend vers le sud, qu'adviendra-t-il des cantons de l'Est? Ben, ils vont descendre vers le sud. Les cantons de l'Est sont voués à beaucoup de mutations. Adolf Hitler et la Tulé, quel rapport? Tulé est le nom d'une base aéronavale américaine qui est située au Groenland. La Tulé d'Adolf Hitler, c'est un endroit hyperboréen qui aurait, selon lui, vu la naissance de la race aryenne, la race indo-européenne, la race blanche, les blonds aux yeux bleus. Adolf Hitler avait, lui aussi, comme Aurobindo, comme Krishnamurti, comme d'autres personnages, perçu certaines fibres de l'avenir. Un avenir qui se place encore dans quelques années, mais que certains humains vont commencer et ont déjà commencé à bâtir. Sauf qu'Adolf Hitler, lui, a voulu appliquer d'une façon draconienne, émotivement, il a vu des choses, il a dit « Merde, c'est ce qu'il faut ». Fait que là, il a dit « On élimine le reste, puis on fait ça ». C'est pas comme ça que ça se passe. La Tulé est donc un phénomène ésotérique. Adolf Hitler est extrêmement ésotérique, qui fait référence à l'Hyperborée, un endroit où l'être, il voulait en faire sa capitale mondiale sur la planète, un endroit qui avait déjà servi de base, enfin de centre de coordination de certaines races, il y a de cela ésotériquement beaucoup d'années. PS, Laurence d'Arabie contre les Turcs, Empire ottoman. C'est en plein ça, il a raison. Ça ne me tentait pas de grimper trop loin, mais c'est bien ça. Pendant la Première Guerre mondiale. Bourassa et Sabet James, pourquoi ce grand rêve? Robert Bourassa est un bonhomme absolument formidable, comme d'ailleurs l'était René Lévesque. Ce sont des personnages qui veulent développer le Québec. Ils veulent le développer en tant que nation. Ils vibrent une trame de puissance quelque part, et ça les enrage de voir les Québécois toujours écrasés, toujours en train de suivre, et toujours en train de se demander, Ben voilà quelle question. Si les autres l'ont pas déjà fait, si c'est ça. Pour chialer, ça chiale. Il est bien évident que si un jour Robert Bourassa aurait pu aller serrer la main à René Lévesque et de dire « on marche », et les deux auraient dit « on marche », on aurait marché. L'hydroélectricité. L'électricité est l'une des énergies les plus puissantes. C'est l'une des plus écologiques et des plus pures. C'est normal que le Québec soit l'un des plus grands producteurs. En plus, même si c'est détruit, ça se rebâtit. Mais d'une façon énergétique, le Québec devient autonome. Et il y a donc un paquet de raisons qui motivent Robert Bourassa à vouloir absolument bâtir en haut. Et c'est pourquoi avec, même si des fois le peuple ne comprend pas, on peut bâtir en haut. Pourquoi dis-tu que souvent, quand les gens se conscientisent, ils deviennent agressifs et violents et sont rejetés des autres? Je dis cela parce que c'est cela qui arrive. Maintenant, il y a énormément de moyens de fait pour faire en sorte qu'une personne qui se conscientise arrive à ne pas souffrir de son évolution. Il y a depuis 4 ans des personnes qui ont fait le séminaire que j'ai donné ici. Il y a des personnes aussi qui ont rencontré d'autres personnages qui font aussi des séminaires. Personnages que je n'ai jamais rencontrés, même si je les connais. Et la grande majorité de ces personnes-là, se conscientisant, voient mieux, et voyant mieux, ne voyant pas de solution, bien, chiale plus. Et il y a des symptômes de cette conscientisation. Il y en avait un individu qui va dire « Ah, ben, on s'en est pour être demain, moi, j'embarque pas. » Bien, tout seul, dans son lit, il va embarquer pareil. Dans son coin, il va changer quand même. Bien, à un moment donné, il va quand même finir par vivre ses symptômes, et il sera tellement tout seul que là, il pourra dire « Ben, je suis tout seul. » Ces symptômes sont changeables. Bon, mais c'est des choses que c'est un peu long à expliquer présentement parce qu'il faudrait qu'on explique des heures de temps ce qui permet à l'humain d'être régi dans son évolution. La personne qui se conscientise, je donne un exemple. Souvent, quand je fais une conférence sur l'enfant nouveau, je commence et je dis, l'enfant nouveau, ce n'est pas ce que bien souvent l'humain veut. Un enfant spirituellement beau, un enfant qui est poli, un enfant qui écoute, un enfant qui fait des commissions quand tu veux, un enfant qui fait son lit. Non, un enfant nouveau, ce n'est pas l'esclave parfait. L'enfant nouveau, il dit non. Puis il dit va chier à 3 ans. C'est l'enfant nouveau. L'enfant nouveau, il est hyper actif apparemment. Il est toujours en train de se promener, puis il s'en va, puis il est bien intelligent. Puis il coule quasiment tout le temps à l'école. Il veut pas faire de sport collectif. C'est un problème. Eh bien oui. Les psychologues parlent d'enfants incassables ces derniers temps. Bon, parce que les autres, ils éduquent demain. Alors, lorsque nous parlons de conscientiser, c'est que l'humain devient intelligent. Intelligent, en ce sens qu'il a accès à un savoir qu'il n'a pas besoin d'apprendre. Et ça se fait partout. Quand ces humains-là veulent se grouper pour prendre l'information ou pour commencer à travailler, c'est ce qui s'est passé au centre de l'universalité. D'ailleurs, il a été bâti par des gens qui se conscientisaient et qui ont tenté simplement de réunir les gens autrement que dans un sous-sol d'église, pour faire des conférences, plus ou moins confortables, puis s'arranger pour qu'on aille un peu plus de classe à travers notre conscientisation. Le problème, c'est que la majorité des gens qui se conscientisent ici comme ailleurs vivent la même chose. Ils ne sont pas capables de travailler ensemble. Robert Bourassa, René Lévesque, c'est réellement une preuve. Les deux sont corrects. Or, Robert Bourassa, on va dire, il ne protège pas la loi 101, il y a ci, il y a ça. Il fait des choses qu'il a à faire. Mais au niveau du développement, René Lévesque, avait plein de promesses, qu'il n'a pas fait, mais au niveau du développement. Alors, l'être humain qui se conscientise, bien souvent, travaille les uns contre les autres. Et je vais m'arranger pour que cela change. Et il y a moyen d'arriver à se conscientiser sans souffrir. Il y aura des petites souffrances, là, mais on en a de toute façon. Mais effectivement, celui qui se conscientise bien souvent finit par plus être capable de sentir la famille, finit par plus être capable de sentir ceci. Finalement, il finit par être tout seul parce qu'on ne peut plus le sentir. Comment l'homme peut-il se préparer à vivre la paix? En quoi le séminaire que vous donnez peut-il aider? Le séminaire que je donne ne peut pas aider à vivre la paix. J'en parle encore un peu. Le séminaire que je donne est de l'information. Une information qui peut parfaire la connaissance d'une tradition ou qui peut carrément la bousiller pour la remplacer par une chose d'autre, neuve, qui répond mieux et qui explique mieux des choses. Mais le travail, chaque individu doit le faire. Si moi, je m'arrange pour aider l'humain à être plus en paix, il pourra être plus en paix. La journée que je m'en vais en vacances, bien là, il n'est pas ni à souffrir le temps que je revienne. L'homme doit être son seul maître. Mais ces seuls maîtres-là doivent comprendre l'intelligence de travailler ensemble. Le séminaire que je donne, il réveille, souvent on va dire. Il réveille quoi? Il réveille simplement qu'il y a un paquet de choses qu'on a toujours eu l'idée de penser, puis qu'on a enterré. Des personnes qui disent, mais il me semblait aussi que ça n'a pas d'allure telle affaire. C'est ça. Mais il aurait fallu que ça continue de sembler. Tu aurais eu la réponse. Il y a énormément, tout s'explique et tout est orchestré et intelligent. Tout ce qui se passe dans nos vies propres comme sur la planète, quand on parvient à le comprendre, eh bien, on a comme une espèce de break, un petit repos, où là, on peut s'écraser, puis on peut dire, eh bien, finalement, en tout cas, au moins, il y a quelque chose qui s'occupe de quelque chose. Par la suite, eh bien, on doit faire le travail qui nous est propre, à savoir que lorsque l'on voit certaines choses, lorsqu'on a compris certaines mécaniques, on peut commencer à travailler contre. Un exemple. Bien souvent, on pense que les problèmes viennent de l'extérieur. Toute l'humanité a pensé ça, alors on a inventé des écoles où on montrait aux gens comment lutter pour changer le monde. Ça n'a jamais rien donné. Alors, à un moment donné, on a dit, problème vient de l'intérieur. On a fait des écoles pour que l'être humain se change. Et ça n'a rien donné. Le problème, il est dans les deux. Et lorsqu'on arrive à comprendre la liaison qu'il y a entre les deux, lorsqu'on arrive à comprendre les symptômes de quand on est manipulé, la semaine prochaine, on parle de manipulation dans le rêve. Il y a énormément de choses qui commencent là. Quand on vit ces choses-là, eh bien, lentement, on peut arriver à les cerner. Mais on doit faire son propre chemin. Pourquoi? Parce qu'une solution qui s'applique à un n'est pas la solution qui s'applique à l'autre. Et surtout que lorsqu'on apprend, et dans le séminaire, on finit par vous pousser, et on vous accule à cela, lorsqu'on a appris comment apprendre, après ça, on peut être un peu plus son seul maître. Alors, je vous souhaite de passer une bonne fin de semaine.